Tony Di Martino, présent. Olivier Tarabella, présent. Elham Chahir, Édouard De Noël, présent. Émilie Trigo, présent. Bassin Doucissé, Jonji Biro, présent. Cédric Pape, présent. Yasmina Sadoud a donné pouvoir à Shoki Haddad, Edith Félix, présent. Brahim Macron m'a donné pouvoir, Merlan Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta a donné pouvoir à Olivier Tarabella, Valérie Bi a donné pouvoir à Vincent Doucité, Yalana Dino a donné pouvoir à Cédric Pape, Abdelkrim Karmaoui a donné pouvoir à Brigitte de la Perelle, Anne de Rugy a donné pouvoir à Édouard de Noël, Frédéric Gabin, Jean-Claude Oliva. C'est noté. Mariam Diop, Kaline Tribic, Hamid Chahir a donné pouvoir à Elham Chahir, Karamoko Sissoko, Mamadou Sila, Manon Chrétien a donné pouvoir à Kaline Tribic, Hissène Ounissi a donné pouvoir à Émilie Trigo, Zora Kelly a donné pouvoir à Grégoire de la Gannerie, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens a donné pouvoir à Pierre Vionnet, Pierre Voyonnet, Laurent Jamais a donné pouvoir à Mohamed Jenan, Angélique Desborsili, Raquel Garrido a donné pouvoir à Solène Le Bourris, Claire Laurence, Solène Le Bourris. Donc, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Vincent Doucissé, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Nous n'avons pas eu de demande d'intervention du public. Donc, je vous propose en introduction de vous faire un point sur, de vous faire une communication sur la situation Covid-19 dans notre ville, afin que chacun puisse disposer des mêmes éléments. Et Grégoire de la Gannerie interviendra dans la foulée de mon intervention. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, depuis plusieurs mois, depuis une année maintenant, notre pays est traversé par une pandémie sans précédent dans notre histoire moderne. C'est le pays tout entier qui est touché. Nos territoires ne sont pas épargnés, loin de là. Bagnolet, comme le reste de la Seine-Saint-Denis, a payé et paye encore aujourd'hui un lourd tribut face à cette crise. Chacune et chacun ici connaît trop bien les raisons qui ont conduit notre territoire à être plus exposé que de nombreux autres. Cette crise sanitaire d'ampleur est le révélateur du délaissement par l'État des habitantes et des habitants de Seine-Saint-Denis. Celles et ceux qui précisément étaient au front et le sont encore pour que notre pays tienne encore debout. Leur engagement s'est payé au prix d'une surmortalité qui aurait dû être évitée. Je sais que dans cette salle, chacune et chacun a une pensée émue pour ces femmes et ces hommes qui ont perdu la vie au cours de cette crise. Une pensée émue pour leurs proches, aux côtés de qui nous nous tenons. Vous le savez, à Bagnolet, un centre de vaccination aurait dû ouvrir en début de semaine, la candidature de la ville ayant été retenue par la préfecture. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement des services municipaux, qu'il s'agisse des services communaux de santé ou des services techniques, qui se sont mobilisés pour rendre cette ouverture techniquement possible et qui sont encore aujourd'hui mobilisés. Ce centre aurait dû ouvrir. Il ne l'est pas parce que les vaccins manquent. L'inconséquente politique de l'État en la matière ne peut que nous faire collectivement froid dans le dos. Nous sommes en droit d'attendre mieux pour nous, pour nos aînés, pour celles et ceux qui nous sont proches, pour nos compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne et ce n'est pas acceptable. Le centre de vaccination qui aurait dû ouvrir aurait dû nous permettre de proposer aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais, d'abord de plus de 75 ans, de bénéficier d'un vaccin contre la Covid-19. Ce centre de vaccination que nous attendions, nous continuons à le préparer. Notre position vis-à-vis de l'État est ferme. Il doit ouvrir dès que possible. Dans cet intervalle, le centre municipal de santé répond aux appels nombreux des habitants sur ce sujet et à leurs interrogations légitimes. Enfin, je rappelle que la ville est mobilisée depuis le début de la crise sanitaire avec la mise en place de la boutique solidaire éphémère l'an dernier, l'aide financière aux familles les plus fragiles, la distribution de masques à la population, puis à la rentrée, les 8 journées de dépistage organisées pour les agents et pour la population, la mise en place de protocoles sanitaires, que ce soit dans les écoles ou dans les locaux de la mairie. Je remercie les agents et les agentes qui ont su faire preuve d'adaptation, d'adaptation continue, afin de faire fonctionner nos services publics locaux. Je laisse la parole à Grégoire pour nous faire un point sur cette situation sanitaire. Merci, monsieur le maire. Donc, chers collègues, en effet, le tableau est sombre pour l'année 2020 et pour la Seine-Saint-Denis avec cette crise du Covid-19. Une surmortalité, comme vous l'avez évoqué, importante. Les territoires de pleine commune et d'Est Ensemble ont particulièrement été frappés avec des surmortalités 2,5 fois plus de morts en mars-avril qu'en moyenne dans les 5 dernières années, contre par exemple 1,9 fois plus de morts uniquement à Paris. On le voit, la Seine-Saint-Denis a été particulièrement frappée. Et dans le deuxième confinement, si on n'a pas une surmortalité marquée sur les territoires, on a un autre sujet qui a émergé, qui est celle de la santé mentale, finalement, des Français. Et une statistique assez simple, on a toutes les semaines 50% de nouveaux patients en plus qui bénéficient d'antidépresseurs en Seine-Saint-Denis dans les mois d'octobre et les mois de novembre. Ce taux et cette croissance est de plus en plus importante. Donc, on a pour l'année 2020 un bilan très sombre pour la Seine-Saint-Denis qui, malgré la mobilisation de la municipalité et du centre municipal de santé, a dû faire face à des carences structurelles dans l'offre de soins, dans la prévention des maladies chroniques et ce qui a mené à des souffrances plus importantes liées au Covid-19 en Seine-Saint-Denis. Le virus circule de plus en plus. Maintenant, la majorité des villes en Seine-Saint-Denis avec une circulation intense, donc avec des taux d'incidence supérieurs à 150 ou 200 pour 100 000 habitants. Et donc, on est tous maintenant en alerte. En alerte, certes, le tableau est sombre, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir grâce aux innovations. Et la municipalité se mobilise très fortement pour justement faire bénéficier à chaque bagnoletaise et à chaque bagnoleté de ces innovations. Tout d'abord, sur les tests, je pense qu'on sera tous d'accord ici pour noter la mobilisation des services, en coordination notamment avec l'Agence régionale de santé, avec la région Île-de-France, qui nous ont permis de monter des opérations importantes, qui ont permis de réaliser plus de 2000 tests sur les 4 journées de dépistage organisées à Bagnolet, de faire bénéficier dès la fin du mois d'octobre de tests antigéniques. Bagnolet était une des premières villes à bénéficier de ces tests-là, qui sont maintenant diffusés au sein de l'ensemble de la population, et 500 000 tests antigéniques sont réalisés maintenant par semaine. Donc il y a de l'espoir parce qu'on se mobilise et je suis ravi également d'annoncer donc que la municipalité a acquis 2 machines permettant de réaliser des tests salivaires, notamment dans le cadre de dépistage pour ces agents, mais qui pourront également être utilisés dans le cadre d'autres opérations. Et quand on connaît la sensation d'un test nasopharyngé, on comprend l'intérêt de ce type de machine. Et dès mardi prochain, il y aura une première journée de dépistage en collaboration étroite avec le laboratoire ZTP, que je remercie et qui nous tient informés de la situation épidémique dans la ville très régulièrement. On pourra mettre en place justement ces innovations. Deuxième innovation, c'est le vaccin. Alors là, c'est pas la ville de Bagnolet qui a trouvé un vaccin, mais le vaccin. Donc voilà, le centre de vaccination. Je pense que vous l'avez perçu dans les propos du maire. C'est une grande déception pour nous tous. Le maire avait fortement mobilisé pour justement faire ouvrir ce centre de vaccination, les services également, et ne pas pouvoir l'ouvrir a vraiment été un crève-cœur, surtout quand on connaît maintenant la situation de la Seine-Saint-Denis qui a souffert d'une surmortalité, qui a souffert de maladies mentales liées au confinement et qui souffre maintenant d'un taux de vaccination qui est le dernier de France par rapport à sa population totale. On a 22 000 personnes qui vivent en Seine-Saint-Denis qui ont été vaccinées au 31 janvier, alors qu'on aurait dû être 29 000 si on se situait comme la moyenne des départements d'Île-de-France. Voilà, c'est 7 000 personnes en moins qui n'ont pas été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination en Seine-Saint-Denis. Donc l'espoir, c'est de pouvoir ouvrir ce centre et de se battre, et les agents sont pleinement mobilisés pour l'ouverture de ce centre. Et vous pouvez compter d'ailleurs sur la mobilisation également des élus pour porter cette voix à l'Agence régionale de santé, à la préfecture. Lorsque voilà, ce sera disponible, lorsque les vaccins seront disponibles, nous serons tous face à un choix. Et voilà, je voulais quand même aussi l'évoquer, c'est important. Est-ce que, voilà, j'ai envie de le résumer comme ça, est-ce que je me confine ou est-ce que je me vaccine ? Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Alors, je me vaccinerai pas forcément pour moi, mais aussi pour tous ceux qui souffrent le plus de cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique, sociale. Et je vous engage à faire de même. Et je rejoindrai notamment les résidents donc de l'EHPAD des Quatre Saisons, mais également les professionnels de santé de la ville déjà vaccinés, et puis l'ensemble des bagnoletés qui ont pu bénéficier des centres, notamment à Montreuil. Voilà, je voudrais terminer aussi sur une note d'espoir, puisque ce sont aussi des déficits, des manquements structurels dans la politique de santé nationale qui ont mené à cette surmortalité, à ces problèmes d'accès aux soins de la des habitants de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement de Bagnolet. Et voilà, les politiques que la municipalité souhaite mettre en œuvre au cours de ce mandat vont lutter contre ça. Et je pense notamment donc à la mutuelle communale et également à la mise en place d'une permanence d'accès aux soins, qui sont deux axes forts et qui permettront de façon structurelle à lutter contre ces inégalités de santé. Je vous remercie. Merci Grégoire. Donc, je vous propose de commencer l'ordre du jour de ce conseil municipal par l'approbation du compte-rendu du dernier conseil du 16 décembre. Est-ce que vous avez des observations ? Pas d'observations. Je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Je vous remercie. Délibération 1 et 2. Il s'agit de conclure des protocoles transactionnels avec des tiers suite à des sinistres sur le domaine public. Donc, le premier protocole concerne M. Abdou. Le second protocole concerne Mme Aliota. Est-ce que vous avez des observations ? Pas d'observation. Oui, sur la première délibération, je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Si, j'avais une observation. Pardon, allez-y, je ne vous avais pas vu. Oui, sur les deux délibérations, donc si j'ai bien compris les explications en commission, la seconde est liée à un problème, à un accident dans l'exercice des services techniques, si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, ça, nous entendons et nous voterons cette deuxième délibération. Bon, par contre, la première, s'il s'agissait pas de l'argent public, on aurait envie de faire de l'humour, parce que à chaque conseil municipal, vous nous proposez maintenant des indemnisations suite à des problèmes sur des nids de poules ou des choses comme ça. Donc, à un moment donné, quand est-ce que la ville va faire les réparations plutôt que d'indemniser ? Parce que sinon, je pense que là encore, ça va devenir un spot bagnoletais quand on a un problème sur sa voiture, d'aller la mettre dans un des multiples nids de poules pour être indemnisé. Bon, malheureusement, on a un peu l'embarras du choix. Donc, nous ne voterons pas cette délibération, parce que, autant au tout début, les toutes premières qui sont venues, quand ça arrive de manière un peu exceptionnelle, on se dit d'accord, mais comme là, ça devient un petit peu récurrent depuis plusieurs conseils municipaux, nous préférons voter contre. C'est noté. De toute façon, si vous voulez, on n'a pas 1 million d'euros à mettre pour refaire la rue Malmaison, comme ça a été fait en 2013-2014. Mais on a investi lourdement sur les malassis. On a refait 8 km de voirie dans le cadre du programme de renouvellement urbain. On continue à investir sur la voirie, qui est bien endommagée, qui est ancienne. Et c'est vrai que, y compris dans le budget 2021, on sera amené à prioriser des endroits et pas intervenir partout comme on pourrait le faire. Mais je rappelle quand même qu'on a refait 8 km de voirie dans le quartier des Malassis. Edith Félix. Oui, je peux indiquer aussi qu'il y a un poste de technicien de voirie qui est ouvert à la ville de Bagnolet. Et quand ce technicien sera recruté, il y aura sans doute moins de nids de poules. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je me permets d'ajouter que on a une régie voirie à Bagnolet qui est très performante. Il suffit de leur signaler un nid de poule pour que dans parfois le quart d'heure, ils fassent un travail temporaire, hein, qui ne dure pas, mais qui est temporaire. Donc voilà, j'invite tous les bagnoletés à signaler à la voirie dgst @villedebagnolet.fr quand ils constatent des nids de poules. Et ça nous aidera tous. D'autres interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? C'est la délibération 1. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée, je vous remercie. Délibération 2. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante. Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur le fondement de l'article 3.3.2 de la loi du 84-53 du 26 janvier 84. Donc il s'agit de se donner la possibilité de recruter des agents contractuels pour le poste de directeur du patrimoine municipal, de chargé de mission RH, de responsable SIRH budget et de responsable administratif et financier de la DGST. Est-ce que vous avez des observations ? Monsieur Bionnet. Oui, là aussi, ces quatre délibérations en rappellent d'autres à de précédents conseils municipaux. Donc je vais m'efforcer de ne pas répéter ce qu'on a déjà pu dire, mais juste pour rappeler très brièvement qu'on ne fait pas une question idéologique de la question, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de postes dans les collectivités où il peut y avoir besoin de recourir à des agents contractuels. Là, on a bien compris, si j'ai bien écouté M. Taravella en commission, que c'était des délibérations préventives, au cas où vous ne trouviez pas de candidat. Malgré tout, moi, je m'étonne un peu, parce que autant on sait qu'il y a des postes dans l'informatique, le développement économique, ou des postes comme ça, où on a souvent recours aux contractuels, autant là, on trouve des postes de responsable administratif et financier à la DGST, des postes du côté des finances ou de la DRH, qui sont normalement des postes où il y a un vivier de fonctionnaires. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de me poser deux questions. La première, c'est est-ce que la ville de Bagnolet est devenue si peu attractive pour les fonctionnaires territoriaux qu'il faille préventivement prendre des délibérations pour doter de fonctionnaires, à moins que ces postes ne soient déjà fléchés pour quelqu'un. Et puis la deuxième observation, c'est que ça traduit une chose qu'on avait déjà pu observer dans le mandat précédent, c'est quand même qu'il y a un turnover, puisque là, il y a encore un poste de direction ouvert, qu'il y a quand même un turnover dans les services de la ville. J'ai plus en tête, mais par exemple, comme là, on est au service technique, je ne sais même plus combien de DGST, 3, il me semble, au moins, il y a eu sous le mandat précédent. On avait un peu envie d'être rassuré aussi par vous, parce que je pense qu'une mairie, ce sont des élus, mais ils ne peuvent pas mener une action s'ils ne travaillent pas avec les services municipaux. Et cette instabilité chronique dans les services municipaux ne permet à l'évidence pas un tel travail. Alors, soyez rassurés, monsieur Lyonnais. Puisque deux des postes dont vous parlez sont des créations de postes. Donc ils ne font pas l'objet de mobilité ou d'instabilité, comme vous l'évoquez, puisque le poste de responsable administratif et financier de la DGST a été créé dans le cadre d'un comité technique récent, justement pour sécuriser les procédures à ce niveau-là, que le poste de chargé de mission RH est aussi une création de poste, et que nous avons des candidats intéressé par le poste de directeur du patrimoine municipal. En revanche, le poste de responsable administratif et financier de la DGST est pour le moment moins attractif que le poste de directeur du patrimoine municipal. Donc c'est la raison pour laquelle on se donne la possibilité de recruter des agents contractuels. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Donc je vous propose de passer aux voix. La délibération 3 concerne le poste de directeur-directrice du patrimoine municipal. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La délibération 4 concerne le poste de chargé de mission RH. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La délibération 5 concerne le poste de responsable SIRH budget. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient, c'est approuvé. La délibération 6 concerne le poste de responsable administratif et financier de la DGST. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Je vous remercie. La délibération suivante concerne le renouvellement de la convention entre la ville de Bagnolet et le CASC. Est-ce que vous avez des observations sur le sujet, Monsieur Bionnet? Oui, juste pour dire que nous voterons cette délibération, puisqu'effectivement, lors d'une réunion précédente sur les financements aux associations, avec Laurent Jamais, on s'était étonné qu'elle n'y figure pas. Donc acte, et donc nous la voterons ce soir. Ok, elle y figure, et nous avons même eu l'occasion de rassurer l'excellent président du CASC qui s'interrogeait dans sa revue hebdomadaire du fait qu'il n'y avait toujours pas de délibération au conseil municipal concernant l'approbation de la convention avec le CASC. Donc c'est le cas, donc je pense qu'il en sera rassuré. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur le sujet? Donc je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la convention d'objectifs entre la ville et le département concernant le bucco-dentaire. Grégoire. Oui, rapidement. Donc c'est la prévention bucco-dentaire. Donc c'est un axe important. La prévention, tout d'abord, pour la ville de Bagnolet, est une des priorités. Comme on vous l'a présenté dans le cadre de la convention avec l'Agence régionale de santé sur la prévention, sur les différentes préventions auprès des lycéens, notamment sur la sexualité, sur la nutrition également, à travers les actions dans les écoles, sur les dépistages d'obésité ou de surpoids. Et donc là, c'est un axe très important, puisque, comme vous devez peut-être le savoir, les soins dentaires sont très chers, et le renoncement aux soins pour raisons financières au sein de la population, et pour les soins dentaires, est au-delà de 35%. Donc on a un vrai sujet d'accès aux soins dentaires, et évidemment, le meilleur moyen de ne pas se ruiner avec des soins dentaires qui soient conservateurs ou prothétiques, c'est de faire de la prévention dès le plus jeune âge. Et donc ces actions sont destinées à notamment et principalement aux élèves de grande section et de CP. Ça touche presque 1000 enfants qui ont donc des animations éducation pour la santé bucco-dentaire avec un professionnel de santé qui leur présente les maladies liées les caries, comment se brosser les dents. Donc il y a tout un ensemble d'accompagnement des enfants. Il y a également des actions de brossage de dents, donc dans les établissements scolaires, donc pas dans l'ensemble des établissements scolaires, mais dans certains établissements scolaires, de brossage de dents avec fourniture de dentifrice et de brosse à dents. Et donc c'est une action très importante pour la prévention sur les soins bucco-dentaires, qui est un vrai sujet pour ensuite, par la suite, ne pas avoir à dépenser et se ruiner face à des soins dentaires importants. Merci Grégoire. Est-ce que vous avez des observations, Monsieur Djenan? En commission, j'avais demandé si on avait un bilan des années précédentes. On ne m'avait pas répondu. On a dit qu'on allait m'envoyer ce bilan, mais je ne l'ai pas reçu. Voilà, je peux parler. Donc j'ai reçu l'année 2020 hier. Donc moi, j'avais noté que c'était sur l'année 2020, votre question, mais en fait, on avait... Parce que 2019, je vous avais présenté 2019 en commission. 2020, il y a eu... les actions ont pu être menées malgré le confinement. Donc ça, j'ai eu confirmation, j'ai eu le rapport d'activité hier, donc je pourrais vous envoyer ce rapport d'activité-là et le rapport d'activité 2019, si ça vous convient. Je vois ça avec la direction santé pour que ça puisse être fait aussi. D'autres observations? Oui, juste un mot, mais on adopte ce soir une convention qui couvre l'année 2020. C'était ça que j'avais soulevé en commission. J'étais surprise par le fait qu'on adopte une convention de façon rétroactive. C'est parce qu'il y a eu des discussions, notamment sur le montant. On a envoyé un mail au maire, un mail avec le maire, une lettre au président du conseil départemental, justement, au sujet du montant de la subvention. Donc on a pris un petit peu de retard pour la validation de la convention. D'autres questions? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération 9 stratégies territoriales de lutte contre les préjugés, les stéréotypes, les discriminations pour l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égale dignité et l'égalité des droits des habitantes et des habitants de Bagnolet. Caline Tribic. Donc, derrière cet intitulé très long, il s'agit en réalité de, globalement, la feuille de route de la mission Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations pour les années à venir. C'est un gros travail qui a été élaboré par la mission, pour lequel je remercie Pascal Forestier et Malika Miloud. Alors, pour vous dire globalement, les objectifs de la stratégie, c'est combattre les préjugés et les stéréotypes qui alimentent la haine de l'autre et les discriminations, reconnaître les risques discriminatoires pour lutter contre toutes les discriminations, renforcer l'accès aux droits pour toutes et tous, et enfin favoriser une dynamique territoriale cohérente et partenariale pour une égalité réelle et un respect de la diversité. Cette stratégie est très ambitieuse, plus que dans bon nombre de villes, et elle se constitue globalement de 4 parties. La première, c'est le diagnostic. Il s'agit d'analyser les stéréotypes, identifier les discriminations. La seconde partie est ensuite de former et sensibiliser à l'encontre des agents de la ville, mais aussi de la population. Ensuite, il s'agit de se concerter, co-construire. Donc ça, c'est par le biais de groupes de travail. Et enfin, le dernier point, c'est l'action. Donc c'est à partir de 2022, un vaste programme d'action dans tous les domaines, puisqu'il s'agit d'un sujet transversal. Comme je disais, c'est une stratégie ambitieuse et qui montre l'engagement de la ville pour toutes ces questions. Merci, Caline. Madame Desbordes-Silly. Bien. Mes chers collègues, on va, dans ce maigre conseil municipal, on a quand même une délibération qui est politique. Je dirais même qu'elle est éminemment politique, puisque la lutte contre les discriminations et les inégalités de genre doit être une priorité absolue des politiques publiques que nous menons sur ce territoire. Ces discriminations, on le sait, elles sont liées aux origines, à la couleur de la peau, à la religion, au genre ou à l'orientation sexuelle. Si une femme sur 16 déclare avoir éprouvé un sentiment de discrimination lié à son origine ou à sa nationalité, c'est une femme sur 6 dans les quartiers populaires. On connaît également la difficulté des 100 000 collégiens et collégiennes scolarisés en réseau d'éducation prioritaire, donc à Bagnolet, à trouver un stage d'observation en classe de 3e, les entreprises opérant bien souvent un tri plus ou moins explicite selon l'origine des postulants. On connaît également les difficultés d'accès au logement, dans le parc privé en particulier, les difficultés d'accès à l'emploi. On pourrait aussi évoquer l'évitement scolaire qui résulte pour l'essentiel de représentations stéréotypées. Ces discriminations sont à l'origine de souffrances individuelles, de vulnérabilités, de violences, de replis, et puis bien entendu, elles introduisent une rupture d'égalité entre les citoyens et les citoyennes. Elles doivent être combattues, en particulier par un portage institutionnel fort, et c'est le sens de la stratégie territoriale que vous nous présentez ce soir. Alors, l'objectif du plan, c'est quoi ? Caline, tu en as parlé, c'est de créer une culture commune en matière de lutte contre les discriminations, et c'est de travailler surtout, c'est de travailler à la déconstruction des stéréotypes et des préjugés qui sont à l'origine des processus discriminatoires. On ne va pas s'attarder sur la méthode proposée, qui nous semble pertinente, on a eu l'occasion de le dire en commission. Elle privilégie, comme tu l'as rappelé, la concertation et une approche intégrée et partenariale. Évidemment, les acteurs du territoire, les habitants, les associations, la communauté éducative détiennent une expertise d'usage qui déterminera pour l'essentiel le plan d'action que vous allez mettre en œuvre. Vous proposez la mise en place d'un conseil de l'égalité, de l'inclusion et de la diversité. Bon, apparemment, appellation qui pourra changer, mais qui dit bien ce que vous avez prévu d'y mettre. Évidemment, nous souscrivons à la mise en place de ce conseil de l'égalité. D'autres dispositifs pourraient être envisagés, comme la création d'un observatoire des discriminations ou la mise en place d'un réseau d'accueil de proximité pour les victimes de discrimination. Bien entendu, nous souscrivons, mais les limites de l'exercice sont connues. La portée d'un texte ou d'une stratégie est faible si les structures mises en place sont peu ou mal pilotées et si les actions ne sont pas planifiées, menées sur le long terme et dans la durée avec détermination et constance. Il y a urgence à sortir de l'impensée politique et à faire que chacun dresse l'oreille et devienne attentif aux souffrances. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. La lutte pour l'égalité contre les discriminations se situe au fondement même de l'idée républicaine. Évidemment, nous souhaitions terminer par de vifs remerciements adressés à Pascal Forestier, à qui nous devons cette feuille de route ambitieuse. Je voudrais également exprimer nos regrets de le voir quitter les services de la ville et cette mission qu'il a incarnée avec tellement de détermination et d'humanité. Nous veillerons à faire fructifier son héritage. Je vous remercie. Karine Tribig va s'en charger. Est-ce que vous avez d'autres observations sur la stratégie territoriale? Donc, je vous propose de prendre acte de la présentation de ce rapport. Je vous remercie. Délibération suivante, attribution d'une subvention dans le cadre de l'opération d'amélioration de la qualité de service des bâtiments BB4 et C4 et de réhabilitation des bâtiments BB1, BB2, BB3, C2, C3 de l'OPH de Bagnolet réalisé dans le cadre du PRU du quartier des Malassis. Olivier. Donc sur ce sujet, on a eu en discuter rapidement au moment de la décision budgétaire modificative sur une question de M. Jamais. Puisqu'on avait fait une confusion au moment de la commission, on avait retiré des crédits parce qu'il y avait une réévaluation définitive du montant. On les réinscrit donc au budget 2021 et formellement on passe la convention avec l'OPH pour permettre le versement de cette subvention. Donc, dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine, la ville a cofinancé certaines des opérations de requalification, de réhabilitation du bâti de l'OPH pour assurer un cofinancement, évidemment, donc une moindre charge sur les finances de l'OPH. Et aussi une moindre charge sur l'impact pour les locataires au niveau du montant du loyer et des autres charges qu'ils pourraient supporter. Premier bloc, bâtiments donc C2, C3, C4, BB1, BB2, BB3, qui sont des bâtiments pour lesquels l'ANRU avait accepté de cofinancer. Donc pour ces bâtiments-là, la ville verse 1 185 162 euros. Deuxième bloc, les bâtiments BB4 et C4. Si vous vous souvenez bien, l'ANRU avait refusé de cofinancer ces bâtiments puisqu'elle souhaitait leur démolition. La ville et l'OPH s'y étaient opposés et la ville avait accepté là aussi de prendre une partie du cofinancement de cette opération de manière à ce qu'elle puisse se faire et que l'ensemble des habitants du secteur puissent bénéficier d'une réhabilitation du bâti. Donc pour ces deux bâtiments-là, la participation de la ville s'élève à 102 890 euros pour l'amélioration de ce qu'on appelle la qualité de service du bâtiment. Merci. Des remarques, Monsieur Lyonnais. Oui, nous voterons cette délibération parce que ce sont effectivement des opérations d'amélioration attendues depuis longtemps. Mais je profite de cette délibération pour dire, et on en a déjà un peu parlé en commission, notre surprise et notre inquiétude sur des évolutions du projet en rue des Malassis. Puisque les habitants ont été surpris récemment d'apprendre que des démolitions qui, à ma connaissance, à notre connaissance, n'avaient jamais été envisagées, étaient aujourd'hui prévues. Alors vous allez peut-être nous dire que ce n'est pas de votre faute, que c'est l'ANRU qui demande les démolitions. Bon, mais ça, je sais bien que l'ANRU est une machine à demander des démolitions pour avoir... Il y a un certain nombre d'années piloté en province un des plus gros projets et un des premiers conventionnés avec l'ANRU. Ça avait été, c'était le cas là-bas, mais c'est le cas partout, une bataille pour obtenir que l'ANRU ne tente pas le bras pour démolir davantage de logements sociaux. Mais nous, ça nous semble quand même poser au moins trois problèmes. Un problème de fond, c'est qu'on a du mal à comprendre l'intérêt de cette démolition. C'est des bâtiments, c'est des bâtiments de bonne qualité, globalement. Enfin, en tout cas, si on les démolit ceux-là, on démolit aussi ceux dont vous venez, et nous vous approuvons, de proposer de financer la réhabilitation. De surcroît, au nom d'un discours de désenclavement, alors j'ai vu un petit bout de plan qui était de la taille d'un... Qui était de toute petite taille, mais j'avoue que ça me laisse assez dubitatif, parce que on peut penser que la question du désenclavement avec le centre-ville, elle passe aussi par d'autres sujets, comme le sujet des parkings qui sont au milieu du parc, hein, plutôt que d'aller déloger des gens. Ça nous semble poser aussi un problème de déni démocratique, parce que ça n'a jamais été annoncé. Encore avant les municipales, moi, je me souviens d'avoir assisté... à des réunions dans la salle Pierre et Marie Curie où jamais cette hypothèse n'avait été formulée et elle surgit aujourd'hui. Et puis, ça nous semble aussi poser un problème de méthode, parce qu'on vous avait questionné déjà à un conseil municipal précédent sur la question du portage commun de ces dossiers avec Est Ensemble, évidemment, et avec la ville de Montreuil. Alors, je me souviens que vous nous aviez répondu, j'avais d'ailleurs, j'avoue, pas tout saisi, que c'était Montreuil qui faisait cavalier seul. Quand on parle avec la ville de Montreuil, c'est plutôt le contraire qui nous est dit, mais bon. Mais en tout état de cause, voilà, il nous semble que sur des sujets comme celui-là, le fait d'y aller ensemble à au moins deux villes permet quand même d'être plus fort dans les négociations. Et en tout cas, si vous preniez la décision de vous opposer à cette demande de l'ANRU, je vous dis très clairement que nous serions à vos côtés. On se sent plus fort, alors. Juste, bon, c'est très facile, juste une, c'est très facile une... de faire ce type d'ironie, mais je pense qu'à certains moments, juste... le fait que dans un conseil municipal, on majorité et opposition parlent d'une même voix n'est peut-être monsieur, pas totalement superfétatoire. M. Vionnet, on va vous répondre et je vais parler méthode. Et je vais vous renvoyer à vos interventions du dernier conseil municipal sur le NPNRU, où... Et je me souviens du texte qui avait été lu et transmis à ce moment-là, où en gros, vous nous expliquiez que nous n'avancions pas. C'était ça le contenu de votre texte, et je vous invite à le relire. Je vous invite à le relire, puisque et nous avions eu l'occasion de vous dire que nous avancions, et nous avançons. Vous nous avez expliqué que vous vous étonniez que la ville de Montreuil, puisque la presse s'en était fait l'écho quelques semaines auparavant concernant le projet sur le clos français à Nous-Montreuil, vous étonniez que la ville de Bagnolet n'avance pas. Donc on vous avait expliqué qu'on avançait et qu'on aurait l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines, y compris sur l'aménagement de la dalle. Je vous renvoie aux interventions, elles sont sur le site de la ville. Donc... effectivement, l'ANRU considère que nous ne démolissons pas, mais pas que nous ne démolissons pas assez. C'est-à-dire que l'une des originalités du projet que nous avons présenté dans le cadre du NPNRU, c'est qu'il y avait zéro démolition de logements. 222 dans le PRU1. 222 dans le PRU1, zéro dans le NPNRU. Et pour ceux que ça intéresse, je rappellerai encore que nous ne faisons pas ce qui était fait à l'époque, c'est-à-dire que nous allons reloger avant de démolir. Et nous n'allons pas démolir avant de reloger. Parce que si ça vous intéresse, M. Venet, je tiens à vous préciser que l'OPH doit encore reloger 4 personnes, et ce sera le cas dans les prochaines semaines, qui ont vu leur logement démoli dans le cadre du PRU1. Donc il aurait fallu que vous vous interrogiez à l'époque de est-ce qu'on reloge des gens avant de démolir. Et je me souviens très bien que c'était très souvent une remarque d'un certain nombre d'habitants éminents du quartier qui soulevaient à juste titre que d'abord on construit et ensuite on démolit. Donc nous allons être amenés à proposer à l'ANRU, qui à ce stade refuse de financer le projet pour des raisons d'absence de démolition de logements et pour des questions de désenclavement. Donc on peut toujours débattre sur le désenclavement, sur la pertinence ou pas, et on débat avec l'ANRU. La question que vous soulevez sur la question des parkings est également pertinente et elle sera traitée dans le cadre du NPNRU. Je pense au parking qui est dans un état très difficile au 35 Lénine et je pense aux places de parking qui seront reconstituées grâce aux parkings souterrains qui sont sous la dalle Thorez. Mais je prends note quand même avec plaisir qu'aujourd'hui, vous ne remettez plus en cause la démolition de la dalle Thorez, puisque ça n'apparaît pas dans votre intervention. Donc je pense que, voilà, on avance et effectivement, on peut cheminer ensemble, majorité et opposition. Donc l'ANRU considère que nous ne démolissons pas, l'ANRU considère que nous ne désenclavons pas, donc nous allons proposer à l'ANRU une solution intermédiaire qui consiste à démolir 66 logements. 42 sur le bâtiment du 18 Curie. Donc si vous m'expliquez que le bâtiment du 18 Curie est dans un état acceptable et honorable, je vous invite à aller discuter avec les locataires qui, pour ce qui les concerne, sont ravis que leur bâtiment soit démoli et sont ravis d'être logés dans du neuf, puisque la proposition qui est faite par l'OPH, c'est que les locataires en question soient prioritaires sur les opérations neuves du Moulin de l'Épine à l'angle de la rue Sadi Carnot et de la rue du Moulin, et sur les logements que l'Office a acquis dans le cadre de l'opération Kaufmann-Embrode. Je rappelle que l'Office a acquis 22 logements dans le cadre de l'opération Kaufmann-Embrode à l'angle Sadi Carnot à Lazare, dont 11 sont réservés prioritairement à des ménages qui doivent être logés dans le cadre de l'ANRU. Donc les habitants du 18 Curie, que nous avons rencontrés il y a maintenant deux samedis, sont plutôt satisfaits d'être relogés dans du neuf. Donc vous pouvez mener votre enquête, vous verrez. Les habitants des 37-45 Curie sont plus inquiets, sont plus réservés, pas tous, mais certains le sont. Donc vous voyez, moi je vous présente les choses de manière très objective. Je pourrais vous dire que tout le monde est ravi. Non, tout le monde n'est pas ravi. Vous dites que tout le monde est mécontent. Je vous dis non. Ceux 18 sont ravis. En face, c'est plus compliqué parce que effectivement, le bâtiment du 37-45 est dans un meilleur état que celui du 18 Curie. Donc voilà, je vous présente les choses de manière très objective et ça va faire partie des choses que l'on va présenter dans le cadre d'un comité technique, puis en comité d'engagement de l'ANRU au printemps pour défendre les intérêts des bagnoletais. Je rappelle que quand même, ce NPNRU, au-delà de la poursuite des projets sur l'ANOU, doit nous permettre de démolir la dalle, de reconstruire la piscine, de reconstruire les conservatoires, de déménager le centre de quartier, de reloger les associations qui utilisent les locaux associatifs et de réhabiliter de manière très lourde les bâtiments du 40 et du 32 Curie. Le 40, dont on a eu l'occasion de discuter concernant les problèmes d'occupation, les problèmes de deal. Donc ces bâtiments seront réhabilités, résidentialisés et l'OPH envisage de consacrer environ entre 35 et 45 000 euros par logement sur ces deux bâtiments. Donc voilà, c'est un projet sérieux et on comprend la réaction des habitants. J'ai eu l'occasion de discuter avec des habitantes qui me disent « Mais monsieur le maire, moi j'habite là depuis 40 ans, j'ai mes amis, j'ai mes voisines, qu'est-ce que je vais faire? Comment voulez-vous ?» Et on comprend tout ça et on va essayer d'atterrir le mieux possible. Olivier. Pas grand-chose à ajouter, simplement dire que ce que vous avez parlé de déni démocratique, monsieur Vianney, on a eu deux réunions publiques spécifiquement sur ce projet, dont on a pu dire qu'il n'était effectivement pas le nôtre, puisque si nous avions souhaité d'emblée démolir deux immeubles, nous l'aurions proposé, ce n'est pas notre choix. Il faut faire un pont avec l'ANRU et se rencontrer au milieu. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'ils exigent. Je vous ai parlé de bras de fer. Il y avait d'autres exigences à un moment donné de l'ANRU sur le NPNRU, comme le fait de densifier l'école Val-Anverne pour monter l'école en hauteur et libérer du terrain pour faire des logements privés. Chose que nous avons opposée de manière stricte et définitive. Donc on a mis le point sur la table lorsqu'il s'agissait de préserver certains aspects de ce quartier. Par contre, à un moment donné, on ne peut pas répondre à aucune de leurs exigences parce que ce sont les principaux financeurs de ces programmes. Et les habitants l'ont bien compris. Et d'ailleurs, monsieur le maire l'a dit, non seulement les habitants de ces immeubles étaient majoritairement satisfaits, parce qu'ils voyaient aussi l'intérêt d'aller dans des immeubles qui datent des années 60, qui ont, pour le 18, été mal réhabilités et qui ont structurellement des insuffisances, dans des immeubles neufs qui sont aux dernières normes à la fois d'accessibilité environnementale, qui sont quand même à proximité du quartier, pour les autres qui vont bénéficier de réhabilitation, un espace qui sera encore plus ouvert, encore plus végétalisé, encore plus dédensifié qu'il ne l'est dans le projet principal. Et personne ne nous a dit, à part Madame Rioux, qui a été houspillée par la salle. Il a fallu que je reprenne la parole pour interrompre quelqu'un qui était en train de lui dire « Mais avec vous, ce que vous avez fait avant, etc. Bon, » sur le fond, ça ne nous déplaisait pas ce qu'il disait, ce monsieur, mais ce n'était pas vraiment l'objet de la réunion. Donc voilà, on a remis les choses dans l'ordre. C'est une réunion très constructive. Vu la nature du sujet, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était une réunion posée, parce qu'on va quand même, on a quand même annoncé pour la première à des personnes qu'on allait démolir leur immeuble, donc c'est quelque chose qui peut être vu avec une certaine forme de violence, ce qui est normal. Mais la réunion a été posée, a été constructive. On a pu répondre aux interrogations avec M. Roche sur la question des loyers, sur la procédure de relogement, sur comment les choses allaient se passer, sur le calendrier. Puisque vous savez, vous avez assisté à certaines réunions, le projet il va se faire, comme c'est un site évidemment très occupé, d'abord avec la reconstruction de la piscine, puis la démolition partielle de la dalle côté sud, puis la démolition côté nord. Ce qui nous laisse un peu de temps, 2 à 3 ans, avant que ces immeubles ne soient démolis, pour trouver les meilleures solutions de relogement pour ces personnes. Il n'y a pas d'urgence. Au début, elle pensait que peut-être dès cet automne, elle serait amenée à déménager. Ce n'est pas le cas. Si certaines sont prêtes à aller dans les logements neufs en début d'année prochaine, on pourra le faire. Mais pour les autres qui souhaiteraient rester sur le même secteur ou changer de quartier, on aura le temps de trouver les solutions les plus adaptées. Et donc, on a avancé constructivement. On a une deuxième réunion qui a été élargie au secteur, qui s'est également bien passée. Et il y a une satisfaction des habitants sur la qualité globale du projet. Parce qu'il y a tout est remis au niveau zéro. Il y a 100 000 m² de pleine terre qui sont recréés sur le secteur. C'est qualitatif. On recrée des places de parking, mais en même temps, on les réaménage pour éviter ce qui existe aujourd'hui et des espaces qui sont déstructurés. On recrée des liaisons nord-sud-est-ouest avec la partie évidemment haute et la partie basse côté Barre-Nouvelle et l'église. Donc, c'est un beau projet. C'est un beau projet. Maintenant, on va aller devant le comité technique de l'ANRU le défendre. Et par rapport à Montreuil, c'est quand même le président maire d'Est Ensemble qui sera avec nous sur la compétence rénovation urbaine et qui va porter ce projet avec nous. On a échangé à plusieurs reprises avec Patrice Bessac. Donc, il n'y a pas de friction entre Bagnolet et Montreuil sur le portage du projet. Il peut y avoir des discussions avec Est Ensemble et ses services sur le calendrier, sur les moyens, sur qui prend en charge tel et tel aspect du projet dans le montage financier. Mais si vous voulez, c'est de la construction de projet. On n'est pas dans des oppositions politiques. Et donc, on est tous unis dans la même direction. Les habitants nous soutiennent. Ils sont satisfaits du projet, y compris ceux qui vont devoir déménager. Et on vous invite à évidemment vous engager dans cette bonne direction qui répond à cette attente forte sur le quartier. Merci. D'autres observations ? Oui. Du coup, oui, ma question se porterait sur le delta des loyers, parce que forcément, il y aura une différence entre les loyers que paient déjà les locataires actuellement et sur les nouveaux logements. Ça, c'est une véritable inquiétude. Donc, ça aussi, ça va être pris en compte. Je veux dire, ça sera respecté, il y aura un compromis, il y aura vraiment des choses qui va aller dans le sens des locataires. Il y a un travail qui va être mené dans les prochains mois par les conseillères sociales de l'OPH, locataire par locataire, pour étudier la situation des uns et des autres, notamment au regard des loyers, et pour étudier la situation. Puis il y a peut-être des gens qui voudront un logement plus grand, peut-être d'autres qui voudront un logement plus petit, mais tout ça va être affiné de manière précise, et y compris si ça nécessite une participation publique, ça fera l'objet d'une participation publique. Ouais. Oui. Oui. Vous dites satisfaction des habitants. On ne parle pas peut-être des mêmes habitants, parce que nous, ceux qu'on a rencontrés, notamment du 37 et 45 Curie, et ne disent pas la même chose. Ils ne sont pas satisfaits. C'est exactement ce que j'ai dit, monsieur. Ben, c'est pas ce que disait le... Monsieur Djenan, ce que j'ai dit de manière très précise, oui, et de manière très claire, c'est que les habitants du 18 Curie sont ravis que leur bâtiment soit démoli. Et ont parfois été très remontés lorsque des habitants qui habitent au 13, au 23 ou au 33 Curie leur ont dit que ce n'était pas une bonne idée. Donc, je parle du 37 et 45. Donc j'y viens. Ils leur ont proposé d'échanger leur logement, parfois des grands logements pour des plus petits. Donc les gens du 18 Curie sont ravis. Les gens du 37-45 Curie, ce que j'ai dit tout à l'heure, sont plus partagés. Certains y sont opposés, D'autres y voient une opportunité pour être dans un logement neuf. D'autres émettent des inquiétudes. Donc, effectivement, les gens sont certains sont partagés. Vous voyez, si vous croisez la mère de Brahim Akrour, qui a 92 ans et qui habite au 45 Curie, effectivement, ça peut inquiéter d'avoir à déménager à 92 ans. C'est une réalité, pas se mentir. C'est un exemple parmi d'autres. J'en terminerai. C'est pour rejoindre un petit peu ce que dit mon collègue. C'est la période. Tout à l'heure, vous parliez aussi de 50% en plus de personnes qui ont demandé des antidépresseurs. Donc, c'est vrai que la période de confinement, le couvre-feu, c'est vrai que c'est pas super top d'apprendre que notre logement va être détruit comme ça. Bon, après, c'est pour ça que nous c'est, si on intervient ce soir, c'est parce qu'on a eu des inquiétudes. On nous a quand même sollicité. Et on nous a fait part des inquiétudes. On n'est pas là. C'est pas un plaisir non plus de toujours intervenir. C'est vraiment travailler, c'est concerter. Donc, et en plus de ça, c'est augmenté avec cette période de confinement. Donc, je peux comprendre l'inquiétude des riverains. En fait, elle est réelle. Mais on la comprend. On peut la partager. Juste, je me permets de vous faire remarquer que de l'autre côté du périph. La ville de Paris vient d'annoncer la signature de sa convention de renouvellement urbain sur le quartier Piton du Vernois, à la félicitation unanime de la majorité de gauche du Conseil de Paris, y compris des élus en charge des dossiers, que sont messieurs Baudrier et Brossat. Donc, si vous voulez, et côté Piton du Vernois, il y a beaucoup de démolitions de logements. Et donc, j'imagine que messieurs Baudrier et Brossat, qui avancent sur ce projet parce qu'il faut renouveler un quartier, ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Mais à un moment donné, effectivement, il faut avancer. Et le sujet, c'est que les financeurs ont malheureusement un poids non négligeable dans la manière dont les projets peuvent aboutir. Et on a eu l'occasion, parce que certains nous ont interpellés sur le sujet, en nous disant, mais on s'est battu sur le B4, C4, on ne les a pas démolis, etc. Effectivement, et on a eu raison de se battre, les uns les autres, pour ne pas démolir. C'était M. Piroli qui nous disait ça. Mais à l'époque, il y avait 222 démolitions de logements. Et l'addition, on la paye collectivement, puisque c'était l'objet de la délibération, c'est 104 000 euros à la charge de la ville pour contribuer à la réhabilitation des B4 et C4. Et c'est une opération prise en charge à 100% par le FIS et la ville. C'est-à-dire qu'il y a zéro financement de l'ANRU sur cette opération. Et c'est nous qui payons collectivement, et notamment les locataires de l'office, cet effort qui est un effort réel. Voilà. Excusez-moi, vous dites la ville de Paris. Sauf que la ville de Paris, les projets étaient annoncés depuis des années déjà. Ils ne sont pas arrivés par surprise quand on m'a annulé. Bah écoutez, ils viennent de le signer en tous les cas. Oui, mais ils étaient annoncés aux habitants depuis déjà un moment, bien avant la campagne de municipal. Mais j'imagine que les gens, que quand on démolit à Paris, de l'autre côté du périph', on a le même sentiment que quand on démolit du côté de Bagnolet. Vous voyez, c'est personne ne démolit de gaieté de cœur. Personne ne démolit de gaieté de cœur. Simplement, ce que j'ai eu l'occasion de dire au cours de la réunion de samedi dernier, c'est que vous savez, la démolition de la dalle, on en parle depuis 2000-2001 dans cette ville. À l'époque, ça s'appelait les opérations de renouvellement urbain qui étaient portées par le ministre de la ville, qui était à l'époque Claude Bartolone, et il y avait une vice-présidente de la région qui suivait le dossier à l'époque. Donc, 2001, on en a parlé 10 ans après, on ne va pas en parler tous les 10 ans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la démolition de la dalle, il va bien falloir qu'on la réalise, il va bien falloir qu'on désenclave le quartier, et il va bien falloir qu'on réhabilite, qu'on reconstruise des équipements publics, parce que je vous dis très sincèrement, on n'a pas les moyens financiers, nous, ville de Bagnolet et OPH, de porter un projet aux alentours de 60 millions d'euros, très sincèrement, et sans vouloir polémiquer. On ne peut pas financièrement porter ce projet, et on ne va pas sans cesse reporter cette fameuse démolition et ce désenclavement du quartier. Juste, oui. une précision, on ne va pas débattre de Piton du Vernois ici, ce n'est pas vraiment dans nos attributions à tous. Si, si. Mais les immeubles, une bonne partie des immeubles concernés sont quand même, je pense que vous le savez aussi bien que moi, des immeubles qui sont directement exposés au périphérique et où depuis longtemps, il y a des problèmes de bruit, il y a des problèmes de pollution. Donc la situation n'est pas exactement la même tout de même. Tout n'est pas toujours merveilleux, rue Pierre et Marie Curie, mais on n'est pas du tout dans cette même situation de bar collé au périphérique. Mais écoutez, très sincèrement, effectivement, on ne va pas polémiquer, mais vraiment, on parlait des habitants du 37-45, et j'entends ce que dit M. Djenan, je vous invite à aller discuter et aller visiter les logements des gens qui habitent au 18 Curie. Voilà. Et qui sont, eux, quand je vous dis qu'ils sont ravis que leur bar soit démoli, qu'il y a des problèmes d'accessibilité, qu'il y a des problèmes d'infiltration, qu'il y a des problèmes de chauffage. Je vous assure que le 18 Curie, c'est un des bâtiments qui, selon les habitants, aurait dû être démoli depuis longtemps. Et voilà, il y a un vrai sujet. Voilà. Mais il y a une question sur le 37-45, je le concède. Est-ce que vous avez d'autres observations ? Propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, approbation de la convention intercommunale d'attribution et du programme d'action de la conférence intercommunale du logement. Mamadou. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération, en fait, juste pour objectif de donner l'autorisation au maire de pouvoir signer la convention intercommunale d'attribution qui cadre un petit peu la politique d'attribution des logements dans le territoire d'Est Ensemble et afin que tout ça soit en cohésion sur les différentes villes d'Est Ensemble. Si vous avez des questions. Voilà. Merci, Bernadou. Des questions ? Des remarques ? Solène ? Du coup, la commission bagnoletaise, ça change ou ça reste à l'identique sur les attributions de logement ? Non, ça reste à l'identique. Rien ne change pour l'instant. Ça, c'est juste les grosses orientations de Est Ensemble. En fait, c'est par rapport à la loi Égalité Citoyenneté. C'est les territoires qui pilotent en réalité maintenant les orientations stratégiques d'attribution. C'est-à-dire que soit Montreuil, Bagnolet, toutes les villes d'Est Ensemble, ils vont avoir à peu près les mêmes critères d'attribution pour les logements. C'est juste ça. Et en réalité, nous, comme on avait déjà mis en place la commission d'attribution, qui est en réalité une commission de désignation, il n'y a pas grand-chose qui change, à part si le maire, si vous lisez la note, si le maire ou on décide de mettre en place une nouvelle commission. Sinon, pour l'instant, rien ne change. Donc, le système de cotation, il reste tel quel ou il sera en conformité aussi avec Est Ensemble ? C'est-à-dire que toutes les villes de l'agglo auront le même système de cotation ? Exactement, c'est ça. Et qui va décider ces... Par exemple, dans la ville, qui va c'est la préfecture. Enfin, c'est l'État. Donc, il y aura obligation de la respecter. Ouais, 1er janvier 2022, on devrait tous sur la même lignée. Okay. Merci. D'autres remarques ? Donc, je propose de passer. Contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Un point d'information concernant les vœux qui ont été adoptés au conseil municipal. Donc, comme nous nous étions engagés, nous avons sollicité la famille de Samuel Paty pour donner le nom de Samuel Paty à un équipement municipal. Donc, la famille a répondu favorablement à notre demande. Donc, nous allons réunir la commission que nous nous sommes engagés à réunir pour choisir collectivement l'endroit et de manière transparente. Donc nous avons par ailleurs un vœu qui a été déposé par la majorité municipale concernant les accompagnants des élèves en situation de handicap. Qui présente ? Madame de la Pérelle va présenter. Brigitte. C'est Brigitte. Vous l'avez ? Vous l'avez pas ? Désolé. Donc juste pour replacer un petit peu dans le contexte ce vœu, il y a la loi du 11 février 2005 qui pose le principe du handicap. Il y a la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 qui indique que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. L'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants adolescents ou adultes handicapés. Alors maintenant, pour un petit peu comprendre le principe des AESH, qui sont donc les aides à l'école hein, pour les enfants, en premier, c'est Bercy qui décide de verser les fonds. C'est le ministère des Finances. Ensuite, il donne les sous à l'éducation nationale. L'éducation nationale gère les contrats et les emplois du temps des AESH auprès de tel ou tel enfant. En parallèle, la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc ça fait partie de la MDPH, sur dossier, elle décide de la scolarisation de l'enfant en milieu ordinaire. C'est la CDAPH qui décide, pas les parents, ou dans un établissement spécialisé. Et enfin, la famille reçoit la notification de la MDPH, une notification qui leur alloue un nombre d'heures. Vous avez droit à une AESH. Voilà. Maintenant, ceci étant posé, il faut savoir quand même que les AESH ne sont employés en règle générale. Bon, ils touchent 1 520 € bruts par mois, mais ils ne sont employés qu'à 60% de leur temps. Ce qui fait que pour un nombre donné d'AESH, évidemment, à 60%, avec un ou deux enfants, voire trois ou quatre à leur charge dans les classes, ça fait évidemment un manque. Donc, moi, les parents en bout de chaîne sont désespérés parce que la MDPH leur alloue des heures, ils ont droit à une AESH, et puis ils n'en voient pas la couleur. Alors, sur Bagnolet, je vous fais grâce des chiffres au niveau national, etc. Sur Bagnolet, à l'entrée, enfin, c'est bon, là. à la rentrée scolaire dernière. Donc, sur Bagnolet, il manquait 35 AESH. Et sur les 35 AESH qui manquaient, 7 ont été recrutés. Seulement 7. Il y a un manque flagrant. Et puis, en bout de chaîne, évidemment, les parents qui sont désespérés. Y a-t-il des questions ? Non ? Alors, je vais vous lire le vœu. Ah ? Voilà, j'ai juste à dire le vœu. Ah, oui, moi je n'avais pas d'observation particulière sur le vœu que vient de présenter Brigitte, mais donc nous n'avons ce soir visiblement qu'un vœu, donc on ne peut pas dire que l'ordre du jour était encombré de multiples vœux. Nous avons proposé deux vœux qui ont été transmis, l'un relatif à la situation sanitaire, l'autre le soutien à une alimentation de proximité et de qualité, notamment à ce qui se passe en ce moment sur le triangle de Gonesse. Donc vous avez décidé de ne pas inscrire ces vœux à l'ordre du jour. Alors je sais bien que vous allez nous répondre que le règlement intérieur en prévoit un par groupe. Mais d'une part, si on voulait jouer au plus fin, vu le nom, nous sommes un groupe de 8, on pourrait se composer en 4 groupes de 2, ce qui ne nous empêcherait pas de continuer à travailler en intergroupe, et on pourrait donc vous proposer 4 vœux. Enfin, je pense que tout ça, ce n'est pas très intelligent si on doit en arriver à des éléments comme ceux-là. Je pense justement que les vœux, c'est aussi, parce que dans la quasi-totalité des cas, les vœux qui ont été soumis au Conseil municipal ont été votés à l'unanimité. Donc je pense que dans une situation où nous pouvons avoir des désaccords sur un certain nombre de points, et nous en avons, les vœux peuvent être aussi des occasions où l'ensemble des élus se rassemblent et que ce n'est pas des occasions de politique aérienne. Et je n'ai pas l'impression que les vœux que nous avons déposés jusqu'à présent étaient des vœux inutiles. Vous avez mentionné vous-même les suites données à celui que nous avions déposé en ce qui concerne l'hommage à Samuel Paty. Nous en avons déposé d'autres, comme par exemple le fait de donner un nom de rue à Gisèle Halimi. Je n'ai pas l'impression qu'on s'est caractérisé par des vœux inutiles, polémiques ou quoi que ce soit. Et donc voilà, vous avez pris cette décision, vous allez vous abriter derrière le règlement, mais je pense que justement, dans un ordre du jour de conseil qui est objectivement pas très chargé, avec un nombre de vœux qui n'était pas important, je pense que vous vous seriez plutôt anobli à considérer que ces deux vœux qui peuvent être, je pense, portés, en tout cas je l'espère, de manière assez collective, pouvaient être soumis au débat, et je pense qu'ils le méritaient. Écoutez, effectivement, on va s'abriter, on ne s'abrite pas. Vous avez le droit à déposer un vœu, vous en avez déposé deux. On vous a suggéré de transformer votre vœu sur le Covid en question orale, ce qui aurait pu permettre d'engager un débat, puisque de toute façon, on avait prévu de faire un point d'actualité sur le sujet. Vous ne l'avez pas souhaité. Voilà. Donc, à un moment donné, on vous l'a proposé. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre ? On vous a proposé de choisir un vœu. Vous pouvez toujours nous dire, on souhaite que ce vœu-là soit soumis au vote, et on le soumettra au vote. Vous êtes le maître de l'ordre du jour du Conseil municipal. Vous auriez pu aussi, effectivement, considérer que c'était, surtout sur les deux sujets en question, que ce n'était pas le lieu, on l'a fait en toute connaissance de cause. Non. Vous auriez pu considérer que ces vœux n'étaient pas ni le lieu ni le moment de jouer à brider la possibilité d'expression de l'opposition et de surcroît, je pense sincèrement, la possibilité d'avoir une position d'ensemble du conseil municipal. Édouard. Mais en fait, la polémique, elle vient pas de la qualité ou la non-qualité des vœux qui sont déposés par l'opposition municipale. Elle vient des cadres de délibération collective qu'on fixe ensemble. Vous avez, et là du coup je suis obligé de parler en leur absence, mais deux coprésidentes qui sont absentes de toutes les instances municipales, a fortiori de quelques-unes qui sont importantes pour cadrer notre travail, dont la réunion des présidents de tous les groupes pour préparer le conseil municipal. Ce genre de choses, on pourrait en parler. Donc au moment de définir notre règlement intérieur, personne de chez vous, après, au moment de parler de ce conseil municipal-là, personne de chez vous, et du coup, vous avez deux coprésidentes qui, d'une certaine manière, vous envoient au crash test, puisqu'elles viennent, en l'occurrence la Raquel Garrido, pour ne pas la nommer, envoyer plusieurs mails en disant ben, on va faire deux vœux en même temps, sachant pertinemment que ce n'était pas possible. Du coup, elle vous amène à la polémique. Elle n'est pas là pour la défendre parce qu'elle a mieux à faire. Et du coup, ceux dans votre groupe qui bossent se retrouvent complètement pris en otage par une stratégie de toute façon, qui nie le débat collectif. Donc, que vos voeux soient intéressants, oui. Enfin, moi, j'avais préparé d'ailleurs la manière de répondre ou de pouvoir en débattre. Mais c'est juste impossible, par le choix qui est fait, d'essayer d'attiser une polémique qui, de toute façon, fait flop à la fin. En plus, elle n'est même pas là pour défendre sa stratégie un peu suicidaire. Donc, c'est un peu dommage. Je peux me permettre de préciser. Bon, d'abord, on ne se sent pas vraiment envoyé au crash test. Et de surcroît, on en a parlé entre nous. Et on a effectivement considéré que ces deux vœux étaient justifiés. Et nous avions visiblement à tort fait confiance au sens démocratique du maire en nous disant, surtout dans un ordre du jour aussi peu chargé, nous ne doutons pas qu'il saura proposer ses deux vœux à l'ordre du jour. Madame Desbordes. Oui, alors on peut, comme à chaque fois, parler de Claire Laurence et de Raquel Garrido, encore mieux quand elles ne sont pas là, ça va devenir une habitude. Hein. Simplement, là, moi, je trouve ça mais lamentable. Lamentable. Je ne comprends même pas que vous osiez vous réfugier derrière l'absence des présidentes de groupe. Ce règlement intérieur, c'est le vôtre. C'est vous qui avez décidé de limiter le temps de parole des oppositions, de l'opposition. Est-ce qu'il va falloir en appeler un anticorps pour pouvoir avoir un respect de l'opposition? Est-ce que vous trouvez qu'on fait de l'opposition systématique? J'ai vraiment pas le sentiment. C'est pas du tout l'état d'esprit du groupe. On n'est pas là... excusez-moi l'expression, pour vous foutre des bâtons dans les roues, on est là pour travailler de façon constructive. Évidemment, quand vous prenez des décisions qui nous semblent ne pas servir l'intérêt général, on le dit. Comme le dit Pierre Vionnet, les vœux qu'on a présentés étaient des vœux importants, en particulier en matière d'écologie. Je suis atterrée par les éléments de langage et les réponses que vous faites. Alors évidemment, on va peut-être réfléchir, en particulier celles qui viennent d'être faites par toi, Edouard, on va peut-être finir par le saucissonner notre groupe pour pouvoir s'exprimer librement. Je suis atterrée, je trouve ça scandaleux. Bon, et puis je trouve que ça vous dessert et que ça vous déshonore, et c'est bien dommage. C'est quand même anoblir, déshonneur, etc. Mais bon, peu importe. Madame Le Bouris. Ça ne vous sert à rien de procéder comme ça. Écoutez, ça ne nous sert à rien, effectivement. Peut-être ça ne nous sert à rien, mais ce qui servirait, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on se fait chier, pardonnez-moi l'expression, à convoquer des conférences de présidents de groupe, quand on m'a dit pendant 3 ans, vos conférences de présidents de groupe ne servent à rien parce que vous les convoquez après que les dossiers du conseil municipal soient partis, que l'on fait en sorte... de convoquer cette conférence de président de groupe avant que les dossiers soient envoyés juste après les commissions municipales et que systématiquement, pas une fois, deux fois, et vous avez été la première à réagir lorsqu'on s'est vu vendredi dernier en visio sur la conférence, dans le cadre de la commission sur la transparence, lorsque systématiquement les deux coprésidentes de groupe ne viennent pas, et je ne vais pas citer leur nom, mais elles ne viennent pas, voilà, c'est... Enfin, c'est quoi? C'est, vous allez utiliser le mot anoblir? C'est quoi? C'est du mépris. C'est du mépris. Donc, lorsqu'elles décideront de venir travailler, peut-être qu'on abordera les choses différemment. Mais elles ne viennent pas travailler. Je vous ai dit au précédent conseil municipal qu'on n'a jamais refusé, je n'ai jamais refusé à un groupe politique dont le président était absent ou ne pouvait pas venir à une conférence des présidents de se faire représenter par un membre de son groupe. Je vous le redis, voilà, vous pourrez leur dire. Mais à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des idiots, quoi. Enfin, on n'est pas plus idiots que vous pouvez le penser. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Donc, lorsque vos présidentes de groupe auront décidé de venir aux réunions, on pourra essayer de discuter autrement des sujets, parce que ces sujets-là, on aurait pu les aborder différemment. On a proposé, l'administration a transmis des mails à Mme Garrido, lui dit, choisissez votre vœu, transformez votre vœu en question orale, on vous répondra, on aura même une discussion, et la discussion qu'on a eue en début de séance, la présentation qu'on a eue avec Grégoire en début de séance, on l'aurait eue à la fin. Ça changeait quoi? Ça changeait rien. Juste, on aurait pu échanger sur la situation du Covid, sur l'appréhension des choses. Non. On veut déposer nos voeux. Bon, ben voilà, donc c'est bien après de nous dire vous êtes antidémocratique, etc. Mais voilà, inscrivez-vous dans un cadre de travail et on pourra essayer de réfléchir, de travailler autrement, collectivement, dans l'intérêt de tout le monde. Vous ne pouvez pas, puis on terminera là-dessus, vous ne pouvez pas imputer la responsabilité que vous avez prise de limiter le temps de parole de l'opposition en limitant les questions orales à une et les vœux à un. Vous ne pouvez pas nous faire porter chapeau de ça. C'est votre responsabilité, c'est votre choix, ce n'est pas le nôtre. Mais c'est votre choix de ne pas venir en conférence des présidents. Ce n'est pas le mien. C'est votre choix, systématiquement, de ne pas venir en conférence des présidents. Parce que, croyez-moi, si ça arrivait une fois, on pourrait se dire, il y a un problème. Mais quand c'est systématiquement le cas, c'est que c'est un choix. Voilà. Donc après, le choix, il faut l'assumer. Donc si vous souhaitez présenter un vœu, à l'un de vos deux vœux, vous pouvez le faire et on en discutera. Solène Le Bourri. Justement, j'ai une question. Donc, à la prochaine conférence des présidents, est-ce qu'on peut revoir cette histoire de vœux, de règlement des vœux? Parce que, effectivement, ce n'est pas comme si on en déposait 5000 non plus. On en dépose deux, c'est toujours intéressant. En plus, on vote généralement tous dans le même sens de nos vœux. Donc, on peut revoir cette règle. On vous fait part ce soir que cette règle, elle nous dérange démocratiquement. Donc, est-ce qu'à la prochaine conférence des présidents, on pourrait réaborder cette question? Est-ce que c'est possible? À laquelle réunion? Vous n'êtes pas venu. Il y a eu trois réunions sur l'élaboration du règlement intérieur. Il y a eu trois réunions sur le règlement intérieur. Vous êtes venu à une. Votre groupe. Non, mais vos coprésidentes de groupe, vous avez deux coprésidentes de groupe. Elles ont été conviées. Non, mais les prêts. Votre groupe a été convié aux différentes réunions qui ont présidé à l'élaboration du règlement intérieur. Et une fois. Voilà, donc. Non, mais après, on peut. Honnêtement, Claire Laurence et Raquel Garrido, je les cite, nous avaient dit on ne peut pas venir, Monsieur Vionnet va venir nous représenter, Madame Desbordes-Sidi ou Madame Le Bourris va venir, on aurait dit OK, il n'y a pas de problème. Sincèrement, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, nous on attend, on se connecte à une visio. Et on attend comme des idiots. Parce que c'est ça la réalité. C'est nous, on se connecte là où on est, et on attend. On a de temps en temps un mot d'excuse, une heure après, qui nous dit « je suis désolé, je me suis trompé ». Après, on reçoit un mot d'excuse. Non, mais en fait, on a eu des impératifs familiaux. Et puis des fois, on n'a aucun mot d'excuse. Vous voyez que ça s'appelle du mépris. Tout est à cause. Ce qu'on en retiendra, c'est que vous n'avez pas souhaité, au-delà de toutes ces discussions, débattre d'un certain nombre de sujets. Par exemple, le sujet qui concerne le projet Karma et le triangle de Gonesse, il a été délibéré à Montreuil. On sait que Romainville va en parler bientôt. Mais allons-y, discutons-en, présentez votre vœu. Je vous y invite. Choisissez le vœu. On vous y invite. Vous voulez parler du triangle de Gonesse? Parlons du triangle de Gonesse. Je vous y invite depuis 10 minutes. Non, mais la question qu'on avait dit, c'est qu'effectivement, je redis ce qu'on a dit de manière assez posée, on considère que cette limitation, on jouerait à vous déposer 50 vœux à chaque conseil municipal, je comprendrais que vous disiez c'est abusif. On en a globalement déposé, avant que la règle n'existe, on en déposait en général un, parce qu'on ne fait pas un plaisir de la débauche de vœux. On avait effectivement considéré que là, il y avait deux sujets qui méritaient des vœux. Bon, vous avez choisi de dire, vous devez en choisir un, on s'arrête là. OK. Olivier. En fait, j'ai compris. Le sujet, ce n'est pas les vœux. Le sujet, finalement, le contenu de vos vœux ne vous intéresse pas, puisque vous avez refusé toutes les opportunités qui vous ont été données de pouvoir les présenter. Vous avez déposé deux vœux en sachant pertinemment que c'était contraire au règlement intérieur. Je rappelle quand même, par rapport à ce que vous avez dit sur le côté démocrate du maire, que le règlement intérieur s'applique à tout le monde, y compris au maire. Et donc, il aurait été non démocratique pour le maire, pour le coup, de prendre une décision contraire au règlement intérieur, pas de le faire appliquer. Ces vœux, puisque vous avez envoyé deux vœux, le cabinet du maire vous a proposé une solution alternative qui vous permettait d'en présenter un sous forme de question orale et l'autre sous forme de vœux. Vous n'avez pas saisi cette main pour trouver une solution de sortie qui était pour une, une solution intelligente. C'est votre choix. Donc manifestement, ce que vous vouliez ce soir, c'est créer une forme de clash. On reconnaît là un peu la spécialité d'une de vos présidentes de groupe qui est en train de faire la même chose sur une chaîne du groupe Bolloré ce soir. C'est pour ça qu'elle est absente. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour savoir ce qu'elle avait prévu de sa soirée. Pourquoi ? Si vous voulez vraiment présenter ces vœux, si leur contenu vous intéresse, pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas l'opportunité de le faire ? Parce que manifestement, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de venir au conseil municipal ce soir, de dire on est censuré, on est censuré, on est censuré, alors même que des dispositions de l'ancien règlement intérieur qui portaient sur le temps de parole n'ont jamais été appliquées dans le mandat précédent comme dans celui-ci. Personne n'a jamais été bloqué au bout de cette deuxième intervention à 5 minutes de temps de parole. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Quand on a eu une délibération sur protection fonctionnelle où je présidais la séance, je crois que j'ai donné 11 ou 12 fois la parole à votre groupe. Je ne crois pas que le débat ait été particulièrement cornaqué. Donc, vous ne pouvez pas soulever des choses comme ça qui, de fait, ne vous sont pas imposées, ne pas saisir la main quand elle est tendue, ne pas venir dans les réunions de commission qui, encore une fois, et je sais que ça agace Mme De Borsili parce qu'elle-même, et je le dis, elle participe à ces réunions. On a eu une réunion de travail avec elle et Mme Le Bouris qui était très intéressante et constructive sur la transparence la semaine dernière. Mais par contre, en conférence des présidents, on est toujours tout seul. Et la conférence des présidents, il y a un ordre du jour, c'est l'ordre du jour du conseil municipal. Et puis ensuite, on peut aborder toutes les questions d'ordre politique, d'organisation, pratique. Mais on ne peut pas le faire puisqu'on est entre nous. Donc il ne faut pas reporter sur nous la responsabilité de l'absence de cadre de discussion. C'est le fait d'une insuffisance de présence de votre groupe, collectivement, pas individuellement, pour ceux qui sont présents ce soir. Donc, essayez pas de créer quelque chose, vous essayez de revenir en disant « donc vous nous empêchez d'eux, vous nous empêchez d'eux ». Non, on vous a empêché de rien. On vous a donné plusieurs fois l'occasion d'eux, vous n'avez pas souhaité le faire. C'était manifestement une stratégie délibérée, donc on ne va pas tomber dans ce jeu-là. Maintenant, soit vous présentez un des deux vœux, soit on considère que vous ne voulez pas le faire, et dans ce cas-là, on clôt la séance, et chacun rentre chez soi. Donc, qui est pour ce... Très bien, et d'ailleurs, je confirme... La collaboration avec les AESH est vraiment, c'est vraiment nécessaire. Je parle en connaissance de cause. J'ajouterai quand même deux points. Une formation plus complète, c'est nécessaire. Elles ont besoin d'être suivies, et, elles et ils ont besoin d'être suivies et formées. Ça, je pense qu'il faut... deuxième point, déboucher vers un CDI. Parce que quand on parle de précarisation, on parle évidemment du salaire, mais aussi la précarisation au niveau du contrat. Et ce n'est pas des contrats, c'est en général des CDD. Et je pense que ça aussi, c'est un point très important. Voilà. Merci, Solène. Brigitte, est-ce que ça te va ? Ça a été voté ? Ah, d'accord. Parce que après, d'accord, parce que comme j'ai vu des mains se lever, moi, je suis perdue, là. Oui, tout à fait, et je plus sois, et il y aurait tant à dire, les AESH, c'est pour toute la nuit, mais on ne va peut-être pas prendre tout ce temps. Hein. Proposition de Solène Le Bouris. Donc, qui est pour ce vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Donc, est-ce que vous proposez un vœu ou pas ? On ne va pas y passer la soirée, on en a proposé deux, donc voilà, c'est tout. Vous ne proposez pas de jeu. Donc la séance est terminée. Bonne soirée. Non. Je voulais juste dire, pour abonder dans le sens de Madame Le Bouris, et il faut vraiment œuvrer avec les AESH, je voulais juste dire que pour la Seine-Saint-Denis, les syndicats se mobilisent et appellent les AESH, enseignants et parents d'élèves, à rejoindre le rassemblement le mardi 9 février à partir de 11h30 devant la DSDEN, enfin la direction de l'éducation nationale, de Bobigny pour dénoncer des conditions de travail dégradées et un manque d'effectifs. Brigitte, la séance est levée. Bonne soirée.